Catherine de Russie par Paul de Saint-Victor. Catherine le Grand, a dit le prince de Ligne. La Russie lui décernera peut-être ce glorieux surnom. La postérité universelle aura de la peine à le confirmer. Sous son apparence de souveraine moderne, ouverte aux idées, aimable et polie, fardée de civilisation à la dernière mode, Catherine II reste au fond de la lignée des reines asiatiques, plus gigantesque que grande, presque monstrueuse par certains côtés. L'assassinat de Pierre III déshonore son avènement. Ses panégyristes ont essayé de la laver de cette tache de sang. La tache est restée et ne s'effacera pas. J'admets toutes les circonstances atténuantes des premiers actes de cette tragédie. Le détrônement de Pierre III peut se justifier par l'imbécilité farouche de ce prince, fait pour le corps de garde plus que pour le trône. Il s'explique encore par le danger que courait Catherine en laissant régner un mari qui la haïssait. Sa répudiation était imminente. Entre le renversement du tsar et sa propre chute, il fallait opter. Elle n'hésita pas. Sa résolution fut prise, lancée, accomplie, avec une rapidité fulgurante. L'insurrection romanesque du 8 juillet 1762 est un des plus merveilleux romans de l'histoire. Cette jeune femme, évadée la nuit du palais d'été où dort l'époux qu'elle va détrôner, qui se jette dans une voiture entre son coiffeur et sa femme de chambre, se présente devant une caserne, enlève ses soldats, débauche l'armée, entraîne le peuple, se fait sacrer entre deux revues, marche en bataille contre le tsar, qui se réveille prisonnier et monte au trône comme à l'assaut, sans un coup de feu, sans une goutte de sang, rappelle les enchanteresses guerrières de l'Arioste. C'est le songe d'une nuit d'été transportée dans un coup d'état. Mais à la féerie succède la boucherie. Les assassinats césariens paraissent classiques et décents auprès du meurtre de Pierre III. Locuste, pour le tuer, se fit vivandière. On l'empoisonna d'abord, dans un verre d'eau-de-vie. Puis, comme il tardait trop à mourir, deux des conjurés l'étranglèrent avec une serviette, tandis qu'Alexis Orloff lui écrasait la poitrine sous ses deux genoux. Si Catherine n'ordonna pas expressément cette atroce tuerie, elle l'inspira par son silence et l'approuva par les faveurs dont elle combla les sicaires. Le lendemain, à son dîner, on vit entrer Orloff, l'étouffeur, échevelé, couvert de poussière, les habits déchirés, suant le sang, livide de son crime. Ses yeux égarés échangèrent avec ceux de l'impératrice un éclair sinistre. Elle se leva en silence, passa dans un cabinet où il la suivit. Quelques instants après, elle rentrait calme, souriante, et se remettait gaiement à table. « Post breve silentium, repetita convivi laetitia », dit Tacite, racontant la mort de Britannicus. Ce n'est pas le seul forfait domestique dont Catherine puisse être accusée. Les traditions de la famille des Atrides semblaient passer du palais d'Argos dans celui des tsars. Le jeune Ivan VI, détrôné dès son berceau par Élisabeth, végétait depuis 20 ans dans une forteresse. Cette ombre de prétendant empêchait Catherine de régner tranquille. Un guet-apens l'en débarrassa. Des conjurés, poussés dans l'ombre par la main de la police, ayant tenté de le délivrer, ces deux geôliers le poignardèrent selon la consigne qu'ils avaient reçue. Plus tard, Catherine faisait enlever de Rome, par Alexis Orloff, l'exécuteur ordinaire de ses hautes œuvres, une fille de la tsarine Élisabeth, née d'un mariage clandestin, sous prétexte qu'elle aspirait à l'Empire. La jeune princesse, attirée sur un vaisseau russe, était liée de chaînes, jetée à fond de cale et enfermée dans la forteresse de Pétersbourg. Quelques mois après, la Neva débordait par ordre et la noyait dans son cachot. Ce sont là les oubliettes de ce règne, masquées par une façade dont le décor oriental éblouit de loin l'imagination. Guerres heureuses, conquêtes immenses, annexions infinies, la Russie doit à Catherine son énormité sinon sa grandeur. Regardée de près, ses succès grandioses prennent souvent une forme de crime. La dissolution savante de la Pologne, opérée comme par un empoisonnement politique, le massacre de Varsovie, les égorgements en masse de Souvarov en Turquie, révoltent la conscience et soulèvent le cœur de l'histoire honnête. le fameux code rédigé de sa main qui enthousiasmait Voltaire et attendrissait Diderot, ne soutient pas l'examen. Ces tables de la loi qu'elle exposait à l'admiration crédule de l'Europe restèrent lettres mortes. La peine de mort était abolie, mais le Cnout remplaçait l'âge et l'appliquait en détail. En 1764, une conspiration militaire ayant été découverte, on éluda le supplice en laissant les conjurés mourir de faim en prison. Tout fut illusion ou mensonge dans cette législation philosophique promulguée jusque sous les tentes des Kalmouks. L'affiche promettait la justice, l'humanité, la tolérance, le programme du siècle. Mais le vieux drap moscovite, chargé d'exactions et de bastonnades, allait toujours son train dans l'intérieur de l'Empire. Qu'on se figure une page de Montesquieu collée au mur sanglant du Kremlin. Les députés des Samoyèdes, convoqués à l'Assemblée, que la tsarine réunit à Pétersbourg, démasquèrent, avec une rude franchise, l'hypocrisie de ces fausses réformes. « Nous sommes, dirent-ils, des hommes simples. Notre vie est occupée à faire paître nos reines. Nous n'avons pas besoin de codes. Mais faites, pour les gouverneurs que vous nous donnez, des lois qui les empêchent de nous opprimer. Nous serons contents. Il ne nous faut rien de plus. » L'emblème frappant du règne de Catherine fut son voyage fantasmagorique de Crimée, opéra de 800 lieues, mis en scène par Potemkin, avec l'art d'un prodigieux et tout-puissant machiniste. 150 traîneaux volaient sur la neige. Quand la nuit tombait, des bûchers flamboyants illuminaient magiquement la route. Un palais improvisé surgissait à chaque étape, sous une baguette d'enchanteurs. Des ambassades pittoresques de tous les peuples de l'Empire, Kirghis armés de flèches, Géorgiens en tuniques fourrées, Cosaques agitant leurs lances, se groupaient, aux portes des villes, à l'entrée de la souveraine. La féerie redoubla de pompe et multiplia ses prestiges lorsque Catherine s'embarqua sur le Borysthène. On crut revoir Cléopâtre descendant le Nil. Sa galère dorée, tapissée de soie, frappait de rames peintes les grandes eaux du fleuve. 80 bâtiments l'escortaient, portant des orchestres qui cadençaient sa navigation solennelle. Un essaim de canots et de chaloupes voltigeait alentour. Les chaumières fleuries et les villages enguirlandés de l'âge d'or décoraient les rives. Des bergers d'opéra-comiques y faisaient paître leurs troupeaux frisés. La flotte voguait à travers une enfilade d'idylles bienheureuses. De temps en temps, un roi ou un empereur, Joseph II ou Stanislas, sortait d'une ville comme d'une coulisse et venait se joindre au cortège. Le comte de Ségur et le prince de Ligne, deux chevaliers français ensorcelés par l'armide du Nord, l'enivraient de flatteries exquises. Ce fut le voyage d'une fée, planant à dos d'hippogriffe sur un mirage à perte de vue. Le spectacle avait son revers. 50 000 hommes avaient péri dans les marais fiévreux de Kherson pour improviser une Crimée factice. Le comte de Ségur nous montre des groupes de paysans en guenilles, aux longues barbes hérissées de glace, stationnant autour des kiosques splendides dressés dans leur village misérable. Revenue à Moscou, sortie du cercle magique, Catherine se trouva en face d'une disette affreuse qui ravageait la moitié de l'Empire. Son excursion au pays des rêves coûtait 30 000 000 à la Russie affamée. Envisagée au seul point de vue de la politique, Catherine II fut tout au moins une grande femme d'affaires. Assidue au travail, elle s'occupait sérieusement des choses de l'État. Dès 6 heures du matin, elle était levée pour arranger son petit ménage. Elle aimait cette expression d'une modestie orgueilleuse, qui assimilait au rangement d'une chambre le gouvernement d'un immense empire. Un bon sens natif et solide la préservait des fièvres cérébrales particulières aux despotes. Ses plans étaient démesurés, mais elle savait les restreindre à la portée du possible. Le compas gigantesque qui, dans son esprit, étendait la Russie du Bosphore aux mers du Japon se rétrécissait et se fermait même aux besoins. Son caractère, taillé tout d'une pièce, était inflexible. Aucune catastrophe ne l'eût ébranlé. Il était à l'épreuve des plus lourds revers. Rien ne la flattait davantage qu'un mot du prince de Ligne qui l'avait déclaré imperturbable. Elle répétait souvent ce mot-là, avec une lenteur sonore et prolongeant majestueusement les syllabes. « Ainsi, lui disait-elle, j'ai donc de l'imperturbabilité. ce sphinx babylonien, à visage de Sémiramis, se terminait par une croupe de bête. Le mot de galanterie est trop faible appliqué aux amours de Catherine II. Cela ressemble plutôt à la polyandrie tibétaine. Elle eut des amants à n'en plus finir, dès sa jeunesse jusqu'au dernier jour. Elle en eut, par-delà toute limite honnête, à l'âge sans sexe où Messaline elle-même se serait rangée. La liste de ses favoris en titre remplirait la colonne d'un calendrier. Sganarelle ne dit pas tant de noms de femmes lorsqu'il lit celle de Don Juan. Soltikov, Poniatowski, Stroganov, Orlov, Vysotsky, Vasilichkov, Zabadovsky, Zoritz, Korsakov, Lanskoy, Potemkin, Yermolov, Momonov, Zubov ne furent que les chefs de file de ce régiment de boudoir. Derrière eux, dans l'obscurité, on entrevoit toute une soldatesque passive qui défile, la main au shako, vers l'alcôve de la tsarine. Son sérail était une caserne. On peut dire, sans trop d'hyperbole, qu'elle fut la maîtresse d'une armée. Ce scandale public devint bientôt officiel. L'étiquette réglementa l'ordre et la marche de ses passades. L'homme qui lui avait plu était invité à dîner chez une vieille confidente. La tsarine arrivait au milieu du repas et examinait le candidat à son lit. Lorsque l'inspection était favorable, un regard informait la duègne. La sultane avait jeté son mouchoir. Le lendemain, le nouveau favori passait à la visite du médecin de la cour. L'épreuve subie, il était nommé aide-de-camp de l'impératrice et installé au palais dans un appartement au-dessous du sien. Le premier jour, il recevait un présent de 100 000 roubles. Chaque mois, il en trouvait 12 000 sur sa table de toilette. Le maréchal de la cour était chargé de lui servir une table de 24 couverts et de fournir à toutes ses dépenses. Cette étrange fonction avait ses corvées et ses servitudes. Ce chambellan de l'amour ne pouvait dès lors quitter d'un pas sa maîtresse. Il lui était défendu de sortir du palais sans sa permission. Lorsqu'il était congédié, il recevait une indemnité magnifique. Sa valeur prolongée lui valait un débordement de largesse. C'était la fable retournée. Danaé ruisselait sur ses amants en pluie d'or. On a le budget de l'alcôve de Catherine. En 34 ans de règne, ce gouffre de luxure engloutit un 500 000 000. Un grand voile de dignité et de bienséance drapait superbement cette vie débordée. La femme galante entendait rester souveraine. C'était l'offenser que de risquer devant elle un mot hasardé. Cette ogresse d'homme faisait la petite bouche au moindre propos libertin. Pendant le voyage de Crimée, le comte de Ségur, prié par elle de lui dire des vers, entama un conte un peu libre, dans le goût du temps. Il vit sa physionomie passer soudainement d'une gaieté souriante à un air sévère. Elle l'interrompit par une question brusque et changea de conversation. Pour être juste, il faut dire aussi que ses caprices n'influèrent jamais sur sa politique. Elle domina toujours les passions d'en bas, de la hauteur de sa tête. Bacchante à froid, elle ne laissa jamais le vin de l'orgie monter de ses veines jusqu'à son cerveau. Elle était de la race de ces Amazones du Thermodon qui, pour mieux tirer de l'arc, se coupaient le sein droit, la place où s'ajuste la flèche. Ainsi, chez elle, le siège de la volonté, de l'énergie, de la raison d'État resta insexuel et inébranlable. Un favori n'était à ses yeux qu'un instrument de plaisir. Quelquefois de règne, lorsque, comme Potemkin, il était organisé pour le commandement, mais toujours un instrument qu'elle voulait tenir sous sa main. La vie privée de Catherine II aurait tué 30 courtisanes. Elle n'enleva pas une parcelle de force à l'âme impérieuse qui la maîtrisait. Catherine de Russie, par Paul de Saint-Victor.